Bonjour et bienvenue pour cette 12e séance de méditation. Pour commencer, tu vas prendre la posture habituelle. Tu vas d'abord t'éloigner de ton ordinateur, éteindre ton téléphone, recharger la batterie de ton ordinateur pour être sûr qu'il ne s'éteint pas. Prends ensuite la position habituelle de méditation, celle dans laquelle tu es confortable. Tu peux être assis en tailleur, sur une chaise, en demi-lotus ou en lotus. Tu peux t'asseoir sur un coussin si tu es plus confortable. Respire calmement et profondément. Aujourd'hui, tu vas te concentrer sur ton moi. Aujourd'hui, tu vas te concentrer sur ton moi, sur celui que tu es, maintenant. Repense à l'histoire de ta vie telle que tu l'imagines. Imagine d'autres versions de cette histoire. Pense à toutes les visions différentes possibles que tu peux imaginer à ton histoire. Pense à celui que tu serais aujourd'hui et à ce que tu ferais si tu n'avais pas d'histoire, si tu n'avais pas de passé. Te comporterais-tu différemment? Si ce passé n'existait pas? Pense à ton moi présent. Observe ta conscience dans le moment présent. Observe-la apparaître et disparaître. Que ressens-tu maintenant? Quelle est cette chose qui ressent et qui pense? Quelle est cette chose qui entend cette voix en ce moment? Quelle est cette chose qui entend ces pensées? Observe ta conscience apparaître et disparaître dans le moment présent. Médite sur la disparition de ta conscience lors de ton sommeil. Médite sur la transition qu'il y a entre le moment de conscience et les moments d'inconscience. Observe les transitions de ton moi. médite sur le moi, demande-toi s'il est bien réel. Observe ton moi dans tous ses détails. Médite sur sa nature réelle ou illusoire. Médite sur cette question. Le moi existe-t-il? C'est maintenant la fin de la méditation, tu peux lentement ouvrir les yeux et étirer les bras. Emporte avec toi un peu de l'état méditatif que tu as créé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un petit peu éliminé ton ego et ton impression d'avoir une identité et un moi. Observe ce que cela change dans ta journée, dans ta relation avec les autres et avec le monde. Et si cette méditation t'a apporté, tu pourras la reprendre après les 15 jours. Passe une très bonne journée.